dégueulasse. Vous pouvez simplement donner votre nom, peut-être. Peut-être que tout le monde se connaît, mais je suis pas sûr. Non. Il y a un petit bouton, c'est là. Il faut coller. Allô ? Alors, Chance Carpen, j'ai deux questions. Une question pour l'intervention sur les dépassés climatiques et une autre question sur les émissions sur les émissions. Donc, je veux savoir en quoi le mécanisme de Varsovie serait en fait un outil en faveur des pays, en faveur. En quoi le mécanisme. Je ne sais pas si on va pouvoir en prendre beaucoup plus, mais avec 10 minutes de réponse. Mais, on répond d'abord. Madame. Non, non. Moi, j'ai une question aussi pour Pierre. Enfin, ce n'est pas tellement une question, c'est une remarque. Comment était fondé en fait, aux États-Unis le droit par rapport à l'environnement. Et tu as dit que c'était surtout par rapport à la liberté individuelle. L'institution du trust, qui est quand même quelque chose de très utilisé pour protéger l'environnement, justement aux États-Unis et notamment aux grands yeux, et maintenant par rapport au changement climatique, c'est véritablement un instrument très intéressant dans les arguments des partis. Comment tu places ça? Et deuxième petite remarque ou question, tu as dit que la Chine s'est posée comme un pays leader dans. À l'intérieur, je dirais, d'un paquet des pays en voie de développement. Est-ce qu'on pourrait, par rapport à l'accord de Paris, est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des jurisprudences, mais évidemment avec le rapport un peu, je dirais, lointain au juge, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, mais bon, faisant preuve d'imagination collective, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils utiliseraient cet argument-là, comme en se posant comme leader? Un peu comme dans le cas Urgenda, les Pays-Bas, on dit, nous on est un pays leader parce qu'on est un pays développé, donc on a une obligation d'accomplir nos obligations en termes des réductions d'émissions. Est-ce que la Chine, elle pourrait du coup, est-ce qu'on pourrait se placer en justice pour lui dire, puisque vous vous placez comme un pays leader, vous avez une obligation de faire quelque chose. Enfin, une dernière question. Je vais parler sans micro. Définition de Bruxelles, je voulais poser une question à Philippe Millet concernant le code polaire. Quel est le statut de ce code? Parce que c'est un traité, ça n'a pas l'air. C'est une décision de la conférence des parties. Quelle est sa valeur et dans quelle mesure est-il plus ou moins contraignant à l'égard des États? Quels sont les États concernés situés dans le cadre de la Convention de Montego Bay? Merci. J'ai juste une question là qui avait parlé. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi. Créer une catégorie qui n'a pas ceci n'est en effet qu'une extrapolation du phénomène migratoire, ou bien, d'après vous, c'est possible que ça soit une réalité. Donc, cette question a sa place dans le débat juridique. Merci. Est-ce que je peux juste ajouter un quart de question, simplement pour me greffer là-dessus, qui était de savoir si la création de ce cadre ajoute une protection pour les déplacés à l'intérieur des pays. Parce qu'en fait, une grande partie des déplacés sont à l'intérieur des pays et pas nécessairement d'un pays à l'autre. C'est pour savoir s'il y avait un lien entre les deux ou pas. Mais on va commencer. Donc il y a le micro. Donc je propose que vous commenciez, puis on va faire ça dans l'ordre. Donc la première question est relative au mécanisme international de Varsovie. Donc tout d'abord, question à préciser. Ah, non, c'est pas le micro, j'ai quand même une voix. La première question est relative au mécanisme international de Varsovie. Vous avez évoqué la notion de justice corrective. En fait, quand j'ai parlé de justice corrective, c'est vraiment dans la rhétorique, dans les conventions, en fait, dans les textes, dans le régime international du climat, nous n'avons pas vraiment la consécration de... justement concrète de la justice collective. C'est surtout dans les négociations, de le dialogue, dans la rhétorique qui est utilisée par les pays en voie de développement pour faire avancer justement les négociations, qu'ils utilisent cet arme de justice collective. Mais sinon, nous n'avons pas vraiment une concrétisation de la justice collective à travers les mécanismes, et notamment en l'occurrence à travers le mécanisme international de Varsovie, parce que justement, lors des négociations, toute allusion à la notion de réparation d'un préjudice, justement toute allusion à l'indemnisation, aux questions de la responsabilité, a été justement éludée, justement en faveur, sous la pression notamment américaine. Et l'article 8 consacre les pertes et préjudices dans l'accord de Paris, sauf que le mécanisme de Varsovie serait plutôt cantonné aux activités de compréhension, de coordination, et surtout, il permettra d'apporter davantage de protection des personnes déplacées à cause des changements climatiques, en apportant un soutien technique, par exemple, aux États qui sont affectés, améliorer aussi la coordination des travaux, la levée des fonds, la levée du financement est aussi un aspect très important de la protection. Donc même si nous ne sommes pas justement dans cette optique de la réparation, il y a quand même des portes, ce mécanisme a aussi des portées concrètes, notamment sur le financement, et qui permettra d'aider les pays qui seront affectés par les catastrophes justement climatiques. Ça répond. Très bien. Donc pour la création d'un statut, bien évidemment, la création d'un statut juridique est d'une importance capitale, dans la mesure où la consécration est la première étape pour la protection. D'abord, il faut que les droits soient prévus par les textes. Après, on parlera bien évidemment de l'effectivité, mais la première étape est l'étape de la consécration. Il faut que ces droits existent. Là, nous sommes en présence de véritables lacunes juridiques, parce que parfois, il y a des dispositions qu'on peut justement exploiter, mais ces dispositions restent un peu éparses, un peu éparpillées, éclatées dans diverses branches du droit international. Déjà, la création d'un statut va rendre effectif une protection plus globale, holistique. Et après, justement, viendra la question de l'effectivité. Et ça dépendra de la volonté des États et aussi des mécanismes de contrôle. Est-ce que cet instrument-là sera un instrument des droits de l'homme et qui sera amené à avoir un contrôle sur le respect de cet instrument-là. Donc là, et justement, c'est pas parce qu'on aura peur de la question de l'effectivité que nous devrons pour autant ne pas prévoir ces droits. Donc la première étape serait de prévoir textuellement justement ces droits-là, en l'occurrence dans un statut juridique, dans une convention internationale. Pour la dernière question, savoir si... futur instrument qui sera adopté, est-ce qu'il s'appliquera au déplacement interne? Ça dépendra également de la volonté des États, mais rien n'empêche que, par exemple, le projet de convention qui a été élaboré sous la direction du professeur Michel Prieur comporte justement, vise à régir les déplacements autant intra-étatiques que extra, à l'extérieur des frontières. Sauf que je trouve que la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays est beaucoup moins justement lacunaire que celle des protections, la protection des personnes en dehors de des frontières étatiques, parce que nous avons bien évidemment la fameuse convention de Kampala, par exemple, la convention régionale. Nous avons aussi les principes directeurs, dans la mesure où ils prévoient certaines normes coutumières qui peuvent s'appliquer aux déplacements climatiques internes. Donc, pour répondre simplement à la question, oui, la future convention pourra régir les déplacements intra-étatiques, mais on a des dispositions qui sont intéressantes déjà dans le droit international en vigueur. Je vous remercie. Je poursuis ? Oui, pour répondre brièvement à la question, c'est quelque chose de très compliqué sur le fond. En fait, parce qu'il y a plusieurs parties, il y a les parties 1, partie 2. La partie 1 s'applique uniquement sur les navires qui sont certifiés au titre de la Convention sur la sauvegarde de la vie en mer. Et les navires qui sont au-delà de cette convention font l'objet d'un deuxième round de négociations pour une partie plus tard du Code polaire. Et ensuite, la partie 2, elle, ne reçoit pas sa force obligatoire du Code polaire lui-même. Parce que son vrai nom, en réalité, et c'est ce qui permet de mieux comprendre, c'est ce qui fait toute l'ambiguïté de sa dénomination, c'est recueil des règles obligatoires pour les navires exploités dans les eaux polaires. En réalité, c'est obligatoire si on y adhère. Et la partie 2, elle, voit toutes ces dispositions rendues obligatoires par les annexes de la Convention Marpol. C'est-à-dire, en fait, en lui-même, il n'a pas sa propre force obligatoire, mais par renvoi. Voilà. Merci. Merci. Je vais répondre brièvement. Alors, pour la première question sur l'actualité politique, est-ce qu'il y a un espoir ? Je dirais que au niveau fédéral, si on n'a pas de volonté politique, ça peut s'avérer très compliqué, sauf par la voie des tribunaux. Et notamment, alors là, il faudrait voir sur les questions de sensibilité, notamment par la voie de la Cour suprême. Encore que la question est quand même assez compliquée à résoudre, puisque tout dépend de l'interprétation des compétences fédérales par cette Cour suprême dans ce domaine-là précis. Donc, il y a beaucoup de si. Par contre, il y a un espoir, et ça c'est certain, au niveau des États fédérés. Ça, moi, ça me semble, il y a beaucoup d'initiatives qui sont particulièrement actives, et notamment la Californie. C'est vraiment un État très très actif dans ce domaine. Ensuite, sur la question des fondements, ah oui, et de la place du trust. Alors en fait, effectivement, le trust est quelque chose de fondamental, j'ai pas du tout pu l'aborder. Moi, je le place à part, puisque c'est un mécanisme juridique qu'on peut pas vraiment comparer avec notre droit français, par exemple, puisque c'est assez compliqué du point de vue des fondements. En fait, moi, j'opposais les libertés fondamentales américaines à la protection de l'environnement juste pour les réticences à légiférer dans ce domaine. C'est parce qu'on a un droit qui est fondé sur les libertés et qui les protège profondément que pour adopter une nouvelle réglementation, ça va s'avérer un petit peu plus compliqué. Je suis pas tout à fait d'accord, c'est clair. Oui. Mais bon, parce que par exemple, toutes les législations sur les parcs nationaux qui sont quand même parmi les premières pionnières en fait aux États-Unis, on a repris après ça ce système-là par exemple en France, eh bien, il se base justement sur la liberté individuelle de pouvoir accéder aux loisirs, de pouvoir avoir un accès individuel, parce que c'est vrai que c'est des grands individualistes, à la nature, pour aller le week-end avec les enfants, etc. Et c'est grâce à ça, à cette perception un peu égocentrique finalement, qu'on a quand même protégé des grands espaces immenses naturels. Donc en réalité, il y a, je dirais, une belle articulation à faire là et presque une ambiguïté dans le système américain et qui est intéressante. Oui, qui vaudrait le coup en fait de mener des recherches beaucoup plus approfondies. Bah, je pense que c'est très très sillonné déjà par la doctrine américaine. Mais on le fait, c'est pour ça qu'on en parle. Mais il faut peut-être effectivement revisiter par rapport au changement climatique. Oui. Alors ensuite, au niveau de la. Pour la Chine, je disais que c'était un. Ah oui, qu'il s'est déplacé comme leader des pays en voie de développement. Alors moi, je pensais aux négociations et devant les juridictions, je ne sais pas si on pourrait faire ressortir cet élément-là, puisque c'est plus un élément, un positionnement politique, à vrai dire, que juridique. Voilà. C'est à voir. Comme dans la guerre, toutes les coupes sont en fond. Oui. L'affaire des Pays-Bas, c'est aussi une question politique de se poser eux-mêmes comme leader, parce qu'en réalité, personne ne leur a dit les Pays-Bas sont des leaders, hein, pourquoi pas l'Allemagne ou la France. C'est parce qu'ils ont pris cette parce qu'ils étaient dans la si, si, oui, quand même. Oui, mais si, on m'a dit depuis Rio. L'Allemagne ou la France, tu vois. Et pourtant, ils ont vraiment fait valoir ça. Alors, pas, mais c'est pas les Pays-Bas qui ont fait non. C'est les gens qui ont attaqué. C'est le juge qui a fait valoir. C'est les gens qui ont attaqué. Comme c'était les Pays-Bas qui étaient concernés. Si le procès avait lieu en France, on aurait fait valoir la même chose sur la France. On aurait dit à la France, vous étiez un leader à Rio, vous êtes positionné leader. Ma question est, est-ce que ça pourrait être valable, transposable par rapport à l'univers chinois je sais pas. L'avenir, c'est aussi mis en cause, c'est un argument. Merci. Juste sur cette question-là, parce qu'on avait, une discussion tout à l'heure, moi je pense que sur l'accord de Paris, il faut pas, c'est pas sur cette partie-là qu'il faut s'attacher. Parce qu'en fait, la question qui est intéressante, à laquelle tout le monde a répondu, non pas avec des devrais, des should, etc., ce qui est l'essentiel du texte, il y a une partie sur laquelle tout le monde a répondu de façon universelle, c'est l'engagement sur l'objectif de décarbonation, c'est-à-dire émission neutre en 2050. Et ça, comme à Rio, c'est un objectif collectif, donc on peut dire, comme à Rio, on ne pourra jamais ramener ça à des États individuellement, parce qu'à Rio, les États de l'annexe 1 avaient dit on va s'engager à stabiliser les émissions. Et c'était un engagement collectif, donc chacun pouvait dire ben, moi, je n'ai pas stabilisé, mais c'est le voisin qui aurait dû baisser, etc. Mais là, arriver à peu près à tout le monde à zéro, ça veut dire que tout le monde doit arriver à zéro. Donc cet engagement-là, on peut le renvoyer à chaque État individuellement en disant, est-ce que toi-même, tu es en train de faire ce travail-là ? Travail qui est assez court, et donc on peut de fait argumenter aujourd'hui vis-à-vis de chaque État de la planète de savoir s'il est en train de mettre les moyens du résultat auquel il s'est engagé à Paris. Et le reste, je dirais, c'est un peu plus décoratif, c'est ce qui va nous permettre de rediscuter régulièrement de l'ambition des États dans les NDC, mais je pense que l'accroche juridique aujourd'hui, elle n'est pas dans les NDC, qui d'ailleurs ne sont pas, et volontairement on ne les a pas mis dans le texte du traité, sont à côté, sinon il faut re-ratifier à chaque fois, c'était le problème de Kyoto, mais que la véritable accroche individuellement pour les États aujourd'hui, c'est l'engagement universel sur l'objectif de long terme, enfin sur les trois objectifs de long terme d'ailleurs, jusqu'à celui d'adaptation et celui de financement. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de construire quelque chose, si on veut aller plus loin que ce qui s'est fait jusque-là sur l'affaire Pakistan et autres. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci à nos trois intervenants, merci pour la discussion. Parce que ça prend pas la bas. Je ne sais pas. Je suis un fil. C'est à toi ? Oui, oui, c'est le chargeur. Oui, il est toujours passé. Il y a le pas de prise. Je vais essayer de faire un peu plus. Et qui est pas vu sur le site. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir, monsieur le président. On se donne rendez-vous à 16h10. 16h. Je parle du violon, oui, même. Ah oui. Après la très concilée. Eh bien non. Parce que oui, eux m'avaient dit qu'ils ne venaient pas plus que 15. Ah oui. Oui, je vous en ai donné 20 a priori et vous en avez pris 25. C'est ça, je vous en prie. 22. Moi j'ai pris 25. Ah, les 3 minutes étaient essentielles. Vous avez vraiment